Les événements spectaculaires de la République populaire démocratique de Corée sont traités particulièrement par les presses mondiales. Les médias étrangers ont rapporté « Une nouvelle puissance nucléaire est apparue et a brisé la matraque nucléaire des États-Unis. » Angoissés par les armes nucléaires et les fusées de la Corée, les États-Unis qui menaçaient les autres pays d'armes nucléaires prétendent la stratégie de défense de leur territoire, ce qui est une réalité incroyable. À chaque mise au public des armements dernier cri de fabrication coréenne, les pages d'internet étrangers écrivent que l'arme nucléaire de la Corée est l'unique moyen de contrôler les États-Unis et que la Corée du Nord, qui possède l'arme nucléaire, est entrée dans le rang des grandes puissances. Les personnalités des partis politiques et des formations et les spécialistes, ainsi que les presses étrangères, notamment le journal d'internet russe Sputnik et la télévision satellitaire de Shenzhen de Chine, ont fait remarquer que la Corée a une suffisante capacité de frappe préventive contre les États-Unis, que dans cette condition, les États-Unis doivent retirer leurs troupes de Corée du Sud pour ne pas subir le sort du papillon de nuit qui se jette dans le feu, et que Trump ne doit pas répéter la politique d'austérité des administrations précédentes à l'égard de la Corée.